J'interviens au nom de la CGT Pôle emploi Bretagne. C'est important de le dire, vu que c'est enregistré. Alors soyez un peu indulgents et indulgentes avec moi, parce que je vais vous parler de la nouvelle convention d'assurance chômage. C'est pas trop mon domaine, parce que j'ai pas. Moi, je travaille à Pôle emploi depuis bientôt 10 ans, mais je suis issue de l'ex-ANPE. C'est tout ce qui est placement, formation, l'intermédiation. Voilà, les indemnisations, c'est pas trop mon domaine, mais j'ai bossé vendredi soir au Tiana avec une amie indemne qui m'a briefé là-dessus. Donc bon, j'ai pas beaucoup bu, je vais vous dire ce que j'ai retenu. Déjà, on va resituer le contexte. La nouvelle convention d'assurance chômage a été signée en avril 2017 par tous les syndicats présents donc à l'UNEDIC, sauf bien sûr la CGT. Elle est entrée en vigueur à partir du 1er octobre 2017, donc là il n'y a pas longtemps, pour une durée de 3 ans. Tout en sachant qu'au premier semestre 2018, une nouvelle réforme d'assurance chômage sera prévue avec Macron. Donc cette nouvelle réforme entraîne des changements majeurs sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi et des conséquences importantes sur la partie accompagnement aussi des demandeurs. On peut déjà le voir, car depuis un an, quand on s'inscrit au Pôle emploi, alors la devise de Pôle emploi 2020, c'est faire le plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc ça fait un peu... Il force, entre guillemets, les demandeurs d'emploi les plus autonomes à participer à des prestations qui s'appellent Active Emploi. Et on convoque en masse les demandeurs et on leur présente le dispositif tout en sachant que c'est une forme de coaching. On vous fait croire que vous allez retrouver rapidement un travail, mais vous avez des entretiens avec un conseiller virtuel ou... des mails à droite, à gauche, voilà. Parce qu'en fait, Pôle emploi a investi pas mal d'argent dans cette prestation. Et si on n'obtient pas le taux de demandeurs à participer, Pôle emploi doit payer une amende à ce prestataire. Donc on vous fait croire que c'est obligatoire, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Donc vous recevez une convocation où il y a écrit en bas que si vous n'êtes pas à la réunion d'information collective, vous serez désinscrit ou radié. Mais c'est absolument faux. Et quand je suis allée voir ma direction en disant « Mais pourquoi vous continuez à leur envoyer des courriers avec cette mention en bas ?» On me répond « Ah, on ne sait pas comment le retirer. » Voilà. Donc beaucoup de pression sur les demandeurs d'emploi. Il y a un an est apparu aussi une plateforme de contrôle qui comprend 8 conseillers donc, qui sont mobilisés là-dessus, qui contrôlent les demandeurs d'emploi en Ille-et-Vilaine. Non, pardon, sur toute la Bretagne, excusez-moi. Pour être contrôlé, il ne faut pas avoir d'activité depuis 12 mois, donc ce qu'on appelle être demandeur d'emploi de longue durée. Et on assiste malheureusement à des dérives de conseillers qui appellent ces contrôleurs parce qu'ils ont eu un différend avec leurs demandeurs. Donc ça fait très, très collabo. On retourne un peu au temps de 39-45. Donc on nous annonce aussi une suppression de postes à Pôle emploi en 2018. On est sur un chiffre de 347 suppressions de postes en 2018, dont particulièrement axé sur les cadres. Donc quand on en parle un peu aux collègues, qui ne sont pas statut cadre, malheureusement, ils ne se sentent pas concernés. Donc c'est un peu ça aussi Pôle emploi, c'est qu'on démantèle service par service pour éviter, comme l'a dit Céline, l'unité, on casse encore les collectifs. Et donc cette nouvelle convention d'assurance chômage va de pair avec la baisse du budget à Pôle emploi et le déficit de l'UNEDIC. Je vais vous présenter les 3 grands points importants de cette nouvelle convention. Alors, on nous présente... je n'ai pas fait la formation parce que j'étais en réunion syndicale, mais je vais bientôt y passer. Mais apparemment, on présente cette nouvelle convention pour faire des économies et rendre plus équitable l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Donc, bien sûr, on va voir comment cette indemnisation est plus juste pour les demandeurs. Donc, on va commencer par les seniors, hein. Donc, alors, il faut savoir déjà que la durée maximale d'indemnisation pour un demandeur de moins de 50 ans est de 2 ans. C'est-à-dire que vous pouvez avoir travaillé 10 ans. Donc, votre indemnisation maximum sera de 2 ans. Mais pour les seniors, comme c'est une population assez précaire, on est maintenant sur 3 ans d'indemnisation pour eux, pour les plus de 50 ans. Avec la nouvelle convention d'assurance chômage, c'est terminé. On est sur 3 ans maximum d'indemnisation à partir de 55 ans. Pour les 50 à 52 ans, on est sur 2 ans d'indemnisation maximum. Et pour les 53 à 55 ans, on est sur 2 ans et demi maximum, mais on peut rallonger cette indemnisation de 6 mois si cette personne-là accepte de faire une formation. Donc, tout en sachant que oui, faire une formation à 55 ans, être en reconversion professionnelle, c'est assez délicat et il y a très peu d'employeurs qui embauchent cette population-là. Donc, ce n'est pas du tout avantageux pour les seniors. La deuxième grande réforme, c'est ce qu'on appelle les différés d'indemnisation ou les délais de carence. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez au Pôle emploi et que vous attendez votre allocation chômage, on a 7 jours de délai avant de toucher ces indemnités. Donc ça, ça ne change pas. On a aussi des différés sur les congés payés. Donc par rapport à votre indemnité de congés payés, on calcule ce que vous avez perçu en fin de contrat. Et du coup, c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on vous calcule la carence. Par contre, ce qui change, c'est ce qu'on appelle les indemnités supralégales. Et ça, c'est pour les licenciements ou les ruptures conventionnelles. Alors, une indemnité supralégale, je vous explique, c'est si le demandeur d'emploi touche plus que l'indemnité légale prévue par le Code du travail, cette somme supplémentaire se transforme en jour de carence. Donc, avant la nouvelle convention, on était à 180 jours maximum de jours de carence. Donc, par exemple, pour un demandeur d'emploi qui a touché au moins 16 000 euros d'indemnité supralégale, maintenant, on est sur 150 jours maximum. Et bien sûr, qui touche cette indemnité supralégale? C'est les cadres. Et donc là, c'est les cadres qui sont avantagés. Parce qu'on passe de 150 jours maximum au niveau des délais de carence au lieu de 180 jours. Et pour finir, là, c'est les intérimaires qui trinquent énormément. Avant la nouvelle convention d'assurance chômage, les intérimaires, donc on connaît, ils ont une grande précarité. Et pour compenser cette précarité, donc cette succession de contrats courts, de périodes de chômage régulières, leur allocation n'était pas calculée comme un demandeur d'emploi qui venait de finir un CDD ou un CDI. Donc, ils avaient un montant d'allocation beaucoup plus élevé qu'un salarié en contrat, en CDD ou CDI. Maintenant, c'est terminé. Ces allocations chômage seront calculées de la même manière que pour un CDD ou un CDI. Par exemple, un intérimaire qui sera payé au SMIC va perdre par jour 8 euros en moyenne. Donc, faites le calcul sur un mois. Donc, ce nouveau calcul restreint aussi ces possibilités d'avoir un complément d'allocation quand ils reprennent une activité, car on baisse le taux, donc plus on baisse le taux et plus on baisse les possibilités d'avoir un complément derrière. Et en plus de ça, en plus donc de baisser son montant journalier, on reprend par rapport à ses congés payés, on remonte sur les 6 derniers mois, alors que pour un salarié normal qui a fini un CDI ou un CDD, ses congés payés sont seulement calculés sur son dernier contrat de travail. Donc voilà au niveau du statut intérimaire. Bon, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pourrez poser vos questions après au débat. Donc on se rend bien compte que cette nouvelle convention d'assurance chômage n'est pas du tout équitable, puisqu'elle précarise encore les publics en grande difficulté et elle favorise les cadres. Macron a annoncé vouloir aussi indemniser les démissionnaires et les travailleurs non salariés. Donc, alors, les démissionnaires, bien sûr, ça sera sous certaines conditions. Je crois qu'il faut, alors, je sais plus, avoir, enfin, être au moins resté 5 ans dans son travail et montrer qu'on veut se reconvertir ou montrer qu'on recherche beaucoup Ouais, c'est ça. Sauf que bah, du coup, on risque de basculer vers un forfait comme en Angleterre, plus une durée du coup d'indemnisation réduite. Il a aussi annoncé un contrôle des demandeurs d'emploi renforcé avec le retour. Donc là, apparemment, il y aurait sur toute la Bretagne, oh non, sur toute, au national, on aurait 200 contrôleurs. Il voudrait passer à 1 000 contrôleurs. Donc dès 2018. Et on nous parle du retour de l'offre raisonnable d'emploi. Alors, l'offre raisonnable d'emploi, c'est quelque chose qui avait été mis en place par Sarkozy, mais qui n'est absolument pas applicable. Je vous explique. Quand vous vous inscrivez au Pôle emploi, on vous pose des questions par rapport à la distance que vous seriez prêt à faire. Au nombre de kilomètres ou d'heures ou de minutes, le salaire que vous souhaitez, le poste que vous désirez, etc. Faites très attention maintenant quand vous allez vous inscrire. Alors, je ne vous dis pas de prendre 5 kilomètres ou à côté de chez vous, mais tout ça maintenant, ça peut se retourner contre vous. Parce que du coup, cette offre raisonnable d'emploi, si elle est applicable, on va vous envoyer des offres qui correspondent à votre profil. Et si ça ne correspond pas, si vous refusez pour quelconque raison, du coup, bah alors je ne sais pas ce qui va se passer. Soit on serait sur quelque chose de dégressif au niveau de votre indemnité ou peut-être un avis de radiation. Enfin, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Ce qui craint aussi, c'est que les cotisations d'assurance chômage vont être remplacées à partir de janvier 2018 par la CSG. Et donc, on a un gros risque derrière ce changement. Et la réforme annoncée de l'assurance chômage, c'est qu'on arriverait à la suppression du système actuel de la protection sociale. Tout en sachant que la CSG est un impôt, donc qui, contrairement aux cotisations, l'utilisation de ces sommes pourrait être modifiée. Donc, en conclusion, depuis la fusion à NPE-ACEDIC, les demandeurs d'emploi ont subi une réduction de leurs droits et un renforcement des contraintes pour bénéficier de ces droits. En plus de ça, on est sur une mise à distance du demandeur d'emploi par rapport aux agences, avec la fermeture des agences l'après-midi. Alors, on me dit non, Caro, ce n'est pas la fermeture, c'est l'ouverture de l'agence, des agences uniquement sur rendez-vous. Mais les gens qui travaillent de nuit, qui ne peuvent pas se lever le matin, qui se reposent, du coup, on leur demande de repasser. Et on est sur la digitalisation, ils sont à fond là-dessus, donc Facebook, Twitter. Avant, on recevait les gens en inscription. Maintenant, vous devez vous inscrire tout seul, sur Internet, et remplir 72 onglets pour arriver à la validation de votre inscription, tout en sachant que vous pouvez faire des erreurs. Donc, par rapport aux pièces à envoyer, et que ces erreurs ne seront pas forcément vérifiées. Ce qui fait encore du coup, enfin, ce qui fait que vous n'aurez peut-être pas forcément la bonne indemnisation lors de votre inscription. Voilà, donc au niveau de la lutte, c'est simple, il n'y a aucune lutte à Pôle emploi. Aucune réaction des salariés. Ou alors on a des suicides, on a beaucoup de burn-out. On a beaucoup d'arrêts maladie, ça parle beaucoup dans les couloirs et ça n'agit pas. Et sinon, on a ceux qui au contraire, rentrent dans le jeu c'est au plus celui qui aura la langue la plus longue parce que ça marche aussi par système de primes pour les contrats privés. Chacun essaye de sauver sa peau, malheureusement.